Eh ben, moi, je vous annonce que ça y est, j'ai enfin réussi à récupérer le contenu de l'émission Bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation. C'est un dossier envoyé par Alexis depuis... Ben, il me semble que c'est le Festival d'Annecy, et il a fallu que je déplace ça d'un ordinateur à l'autre, mais on va pouvoir vous diffuser maintenant Bulle de rêve. Normalement, je sais ce que vous vous dites, ou en tout cas, moi, je sais ce que je peux venir dire. Oh là là, il y a beaucoup de femmes dans cette assistance. Je suis d'accord. J'avais demandé à un ou deux d'entre eux de s'habiller, enfin, et ils ont refusé. Ils ont dit non, le vendredi soir, on veut bien, mais sûrement pas le samedi matin, faut pas déconner. Donc voilà, donc malheureusement, il n'y a pas. J'ai évidemment fait appel, Isabelle Vanini notamment qui vient est partie, voilà, donc c'était pas une volonté. J'espère que vous dans la salle, on va parler de quelques films, vous pourrez donner évidemment votre point de vue. D'ici une heure, on recevra M. Katabucci pour la deuxième partie donc de l'entretien pour Dans un recoin de ce monde, et on finira avec l'un des créateurs des plus importants, en tout cas voilà, dans le monde de l'animation. C'est malheureusement ni Focus on Animation, ni The Web Anime, ni ni Banshee, même si c'est très intéressant. Mais bien sûr Cartoon Brew, Amidalidi viendra nous parler un petit peu de l'aventure de Cartoon Brew, qui est très intéressante, parce que surtout là-bas, l'idée de se retrouver entre le côté gros de Animation World Network, etc., et tenter de faire quelque chose qui ressemble plus d'ailleurs à des blogs, en tout cas à des sites spécialisés, faits avec peu de monde. Donc ça m'intéressait de le recevoir. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais commencer bien sûr par... je voulais faire ce qu'on fait depuis maintenant moins de 3 ans, même un peu plus, à savoir un débat avec des spécialistes, des critiques, voilà, c'est... voir comment on peut parler un peu de cinéma d'animation, qui est quelque chose, vous savez, qui nous manque énormément. On est très gentil souvent avec les films d'animation, avec des phrases de style « oui, mais c'est tellement de travail que voilà, quand même, on va pas critiquer les films ou des choses comme ça », et que j'aimerais se persuader, bien évidemment, qu'on a besoin de critiques dans un art, quel qu'il soit, et partout, pour faire avancer. Donc, j'ai leur demandé, parce que je trouve ça mieux, comme ça vous entendra, de se présenter, surtout qu'il y a un petit nouveau, et Nicolas, tu vas commencer à te présenter. Est-ce que, ouais, faut juste... Ouais, Florian est comme ça, il allume jamais ou il éteint juste pour piéger la personne. C'est ça, oui. Ok, ça, très bien. Donc, je suis Nicolas, je suis FocusAnimation.com, on est sur Annecy depuis 5 ans maintenant, on couvre le festival en équipe de manière assez extensive. Je vais rebondir juste sur ce que tu as dit par rapport à la non-mixité de tes invités. Dans Focus, il y a 2 filles pour 3 garçons. On essaye d'atteindre cet objectif. Et la prochaine émission sur Annecy, pas de problème, on t'envoie les filles. Parfait. Elles sont ailleurs, elles s'occupent ailleurs. On t'envoie les filles. On switchera, d'accord. Merci beaucoup. On continue. Il révise, bravo. Alors, Marco de Blois de Montréal, je suis programmateur et conservateur de la Cinémathèque québécoise et directeur artistique des sommets du cinéma et de l'animation. Voilà. Ensuite. Bonjour à tous. Donc, Francis Gavel, je suis ici, je couvre le festival au nom des filles du cinéma, pour un blog que je ne nourris qu'une fois par an, je suis aussi avec le Festival d'Annecy et l'Association française du cinéma d'animation, un des initiateurs donc, du prix André Martin, qui a été remis hier soir avec les prix spéciaux. Où est Marco et les deux invités qui vont suivre ont fait partie de ce jury qui est mort de sa belle mort cette année, puisqu'il n'en aura qu'à trois mandats, c'est et que cruel, le troisième mandat, je suis désolé de commencer, c'est vrai, le troisième mandat vient de terminer. Voilà. Ouais, mais le prix n'est pas mort, c'est les morts. Non, c'est jury, c'est jury. Donc, moi, Florian Delaporte, je suis directeur et programmateur d'une salle de cinéma parisienne qui s'appelle le Studio des Ursulines, qui est là depuis 105 ans et qui, depuis 14 ans, est spécialisé d'abord au démarrage dans les jeunes publics, dans l'art et essai pour les jeunes publics, et qui a été spécialisé par le public lui-même dans l'animation, puisqu'on était les rares à passer les films le soir. Donc voilà, et pareil que Nicolas, je suis là parce que ma collègue qui tient un site internet qui s'appelle benchy.fr, qui est un site de protection pour les parents, est déjà rentrée à Paris et avec. Comme elle est ici, vous voulez quelqu'un chez nous, c'est moi qui suis. La neige. Voilà, qui est. Sinon, c'est la neige. Alors moi, je suis Nicolas Tiss et je viens pour la revue 24 images, en revue québécoise. Et enfin, moi, Antoine Lopez, je suis donc retraité d'étape. Et comme Macron va baisser les retraites, il va taxer les retraites qui n'ont pas bougé depuis 4 ans. Donc je suis obligé de piger comme ça, des trucs comme ça. J'aurais pas voulu, mais bon, c'est comme ça. Sinon, par rapport à Annecy, je comptais, ça fait 43 ans que je viens là. Donc vous voyez que je suis très, très, très, très vieux. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis plus que centenaire. Donc, parce que je suis venu pour la première fois, je pense, en 73. Et j'aime bien l'animation. 43 ans. Voilà. Là, ça impressionne tout le monde, là, à mon avis. Les autres vont se dire, oh, non, on va pas rien pouvoir. Au contraire. Oui, il faut abattre le. Surtout qu'en fait, on va commencer directement avec Antoine qui ne va pas parler pendant au moins 3-4 films. Puisqu'on commence évidemment plus tôt, on va se focaliser d'abord sur les longs métrages. Sur quelques longs métrages, j'aurais demandé. J'ai une liste. Après, ils pourront très bien dire, bah, moi, j'ai envie quand même de parler de ce film-là. Mais j'ai une liste de films, j'aimerais qu'on entende dont on parle. Tout le monde n'est pas obligé évidemment de parler. Surtout si évidemment vous n'avez pas vu le film. Pas rien à faire. Et voilà, mais on va d'abord avoir les longs métrages, ensuite les courts métrages, et ensuite j'aurais demandé, et je leur demandais maintenant, bien sûr, ils ont droit à un coup de cœur, que ce soit dans les films d'études. Où, comme disait Antoine, il y a des choses absolument passionnantes dans les films d'études, c'est pas que j'ai voulu enlever, c'est juste pas possible en une heure de pouvoir parler un petit peu en détail, on va dire, de certains films, voilà, mais bien sûr, c'est l'une des séances évidemment qui est absolument passionnante. On va commencer donc avec du long métrage, et on va commencer avec. Hop! Dans un recoin de ce monde, est-ce que certains d'entre vous l'ont vu à cette table? Nos deux premiers invités, non. Toi, si tu l'as vu, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, lancez-vous. Catabucci, Marco, tout le monde a l'air de décider que c'est toi qui commence. Ah bon, c'est moi. Bon, écoutez, j'ai trouvé que c'est un film admirable. Le meilleur film de long métrage d'Annecy 2017 et un très bon film. Point. Donc, une fiction documentée particulièrement touchante qui pose une question qui est quasi révolutionnaire à mon sens, à savoir comment dans des circonstances aussi horrifiantes que celles d'Hiroshima peut-on garder son équilibre et maintenir et accéder au bonheur. C'est pas rien. Le film réussit à le faire de façon très élégante et subtile. Et deuxièmement, si le film possède une facture graphique typique de l'anime japonais, il reste ces formidables digressions esthétiques qui parcourent le film. Bon, on se souvient très bien du leitmotiv des lapins. Mais je retiens surtout ce segment incroyable où tout à coup on bascule dans un univers onirique et le cinéaste fait appel à Billy Blank de McLaren pour illustrer un rêve. Et c'est une référence cinéphile qui est tout à fait étonnante et qui fonctionne très bien dans le film. Ici, on ne connaît pas les films de McLaren, ça fonctionne quand même, on n'a pas besoin donc, d'avoir cette référence. Bref, en tout point, un film qui m'a paru exceptionnel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On n'est pas obligé évidemment chaque fois de faire commentaire, surtout si on est d'accord avec ce qui a été dit. Oui, voilà. Exactement, c'est que dire de plus après ça. Je retiens la scène avec la DCA et les touches de couleur. Et c'est vrai que la singularité du point de vue de l'héroïne est extrêmement intéressante parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement confus, qui oublie des tas de choses, parfois de l'ordre du petit détail. Et ça permet de faire traverser le film et les époques de manière extrêmement pertinente. Et ça aussi, la singularité du point de vue par rapport à l'origine est extrêmement bien dans ce film. Tout le monde a aimé. Tous ceux qui l'ont vu ont aimé. Est-ce qu'il y a des petites choses à rajouter? Non. Personne ne veut rajouter. Vous n'avez pas obligé, évidemment. Non, mais rajouter un peu bateau, mais c'est vrai que de passer derrière le tombeau des lucioles, c'est pas évident. Quoi. Il arrive super bien. C'est juste ça. Quoi. Est-ce qu'il y a. Vous n'hésitez pas, si jamais vous avez par exemple, vous n'êtes pas forcément d'accord, évidemment l'idée est d'avoir, si possible, un dialogue, c'est pas parce qu'ils sont là, ils ont l'air impressionnants. Mais si vraiment, alors encore une fois, vous n'êtes pas aussi. Vous voulez aussi qu'il y ait un point plus précis qui soit dit en disant bah oui mais c'est un petit peu léger, parce qu'on pourrait en dire un petit peu plus. Surtout n'hésitez pas à le dire. Non, je dis ça, c'est eux, hein, c'est pas moi, moi je le pense pas. Je vous aurais pas, je vous aurais pas invité évidemment là. Dans un rapport à ce monde, on peut parler aussi, puisque Marco, tu parles révolutionnaire, je pense que en tout cas d'une forme assez étonnante au niveau du long métrage, puisque c'est notre problématique souvent entre le long et le court métrage, et un long métrage souvent très classique en animation, et que d'un seul coup là on a un film notamment en faisant appel aux ellipses, en faisant appel à une mise en scène absolument voilà, qui est très étonnante pour un long. On y arrivera un jour à ne plus avoir ce genre de monde en pour un long d'animation, mais c'est vrai qu'on est encore dans ce moment un peu complexe, on va dire, où bah voilà, on tente des nouvelles choses, on commence à avoir un langage cinématographique un peu plus impressionnant dans les longs métrages. On en parlera un peu plus longtemps, évidemment, vous le savez, donc, M. Kadabuchi, qui arrive tout à l'heure. Un autre film qui est passé par Cannes, si je ne dis pas de bêtises, qui était en tabou, qui a vu Terrain Tabou, et on en pense, ben, Nicolas, tu commences pour Terrain Tabou. Alors, moi, Terrain Tabou, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, c'est un film qui est fait en rotoscopique, qui parle des tabous, notamment sexuels, en Iran, suivant le parcours de trois femmes dans Téhéran. Alors, la rotoscopie permet vraiment aussi une immersion totale, j'ai l'impression, vraiment dans le film, dans Téhéran, c'est-à-dire que je suppose que le réalisateur, qui est d'origine iranienne et qui a fait son film en Allemagne, parce que de toute façon, je suppose qu'il sera interdit d'entrer dans le pays pendant 350 ans après, a s'inspirer de photographie pour pouvoir recréer Téhéran. On a vraiment l'impression d'être complètement immergé dans la ville. C'est assez impressionnant. Par contre, au niveau du scénario, c'est là que moi j'ai quand même quelques problèmes, parce que j'ai vraiment eu l'impression de voir un reportage de TF1 ou BFM TV sur l'Iran, c'est-à-dire un Iran pour occidentaux qui ont envie d'être maintenus dans leur idée de ce que peut être l'Iran, c'est-à-dire un monde où tout est pourri, tout le monde est pourri, et où vraiment il n'y a absolument rien à sauver, et surtout pas les individus. Parce que le fait que ce soit extrêmement réaliste, et notamment la touche assez réaliste justement même des personnages, même s'il y a une certaine laideur sur les personnages, j'ai l'impression qu'en fait il les prend comme des espèces de modèles, et des modèles qui sont censés représenter l'ensemble, l'intégralité de la population, et ça m'a vraiment un peu dérangé. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a énormément de problèmes politiques, et justement, ça aurait pu donner un énorme problème politique, mais il manque cruellement de subtilité au niveau du scénario. Qui pense quoi aussi, Marco? Oui. Je suis entièrement d'accord avec Nicolas. La facture réaliste, donc, qui découle notamment du choix de la rotoscopie, n'est pas exempt d'une certaine dérive vers le spectaculaire. On parle ici d'un spectaculaire, donc dans la façon de montrer la vie de tous les jours à Téhéran. On a le sentiment de se retrouver dans une forme de documentaire alors qu'il s'agit d'un film de fiction. Tout est choisi en fonction de la fiction, et le film nous oblige de nous poser la question suivante, à savoir ce que je vois, est-ce que c'est réellement un portrait actuel de Téhéran. Et c'est là où le film me fait m'interroger. Et je me souviens particulièrement de la première scène, la scène du taxi. C'est pas un taxi, donc c'est un client qui prend la dame qui est prostituée. L'enfant est sur la banquette arrière, la prostituée fait une pub au client, l'enfant est derrière. Tout de suite, on est dans le domaine du spectaculaire, de la provocation, d'entrée de jeu. Et c'est là où je me pose quelques questions concernant le film. Francis. Oui, parce que là, j'avais envie d'apporter une petite correction par rapport à cet élément spectaculaire. Je trouve que, moi, je pense que vous poussez un peu le bouchon. Et quand on lit donc l'interview dans le dossier presse du réalisateur, il explique en fait que c'est une anecdote qu'on lui a racontée. Et que donc il a pris cette anecdote, et évidemment il l'a mise en film, parce que là je peux être d'accord, c'est une image choc d'entrée, on se dit comment c'est possible qu'elle agisse ainsi, quoi. Et que donc, après, si on peut se poser une question, c'est que, entre guillemets, ce qui paraît, ce qui est vrai, est-ce que ça va paraître réaliste dans une fiction? Donc la question peut être là. Moi, après, sur cet élément de catalogue, bah, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on fait de la rotoscopie qu'on est forcément dans du docu, ou que ça donne, du coup, une approche documentaire, puisqu'on est réaliste dans un certain extrême. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il prend quelques personnages, quelques destins, et qu'il va au bout de ses destins. Alors, on peut reprocher que la fin est peut-être un peu mélodramatique et purée, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à tirer l'alarme, à part peut-être la jeune femme qui s'envole à la fin, j'en dis pas plus, mais qu'on montre aussi des individus avec leur bassesse. On a un personnage, et ça, je trouve que c'est intéressant, dont on peut, auquel on peut s'identifier, s'attacher, jeune musicien qui essaie d'y arriver, qui est un artiste qui n'est peut-être pas à sa place dans le terrain aujourd'hui. Et en fait, on finit par se rendre compte qu'il peut ne pas être plus généreux que ce qui paraît, quoi. Bien au contraire. Donc, il y a peut-être des twists comme ça sur les attitudes des personnages qui sont intéressants dans le film. Après, voilà, c'est pas forcément, il a été un peu vendu à Cannes, parce qu'on est à Cannes, donc il faut de l'emphase. Il a été un peu vendu comme le Vals avec Bachir iranien. C'est pas forcément Vals avec Bachir au niveau de la force, aussi bien esthétique que narrative. Et Vals avec Bachir, on était dans un documentaire animé. Donc voilà, c'est un peu pour quand même tempérer les choses. Nicolas, tu veux répondre? J'ai parlé de réalisme, je n'ai pas parlé du tout de documentaire. De toute façon, je pense que la rotoscopie, s'il l'a utilisée, c'est uniquement justement pour pouvoir contourner la censure, puisqu'il ne pouvait pas tourner à Téhéran, justement. Du coup, il utilise la rotoscopie pour pouvoir recréer Téhéran en Allemagne de la manière la plus réaliste, justement, possible. Et du coup, c'est vrai qu'au lieu, par exemple, d'utiliser quelque chose comme une reconstitution qui pourrait permettre, justement, aux spectateurs de prendre une distance beaucoup plus importante, comme par exemple Alain Huguetto a pu faire avec des morceaux de plastique dans Jasmine, lui, clairement, il s'enfonce dans une voie réaliste et justement qui pour moi, juste, était beaucoup trop forte par rapport au scénario et qui permet pas de prendre une distance suffisante et qui, justement, catalogue les personnages dans étant, en étant une représentation de ce qu'est aujourd'hui la société iranienne. Et c'est ça, par contre, qui m'embête. Non, je reste en désaccord. La facture réaliste, si on va reconstituer, je ne sais pas, dans ce cas-là, je vais faire exprès, puisqu'on est à Annecy, quand je reconstitue pour le Bureau des légendes Téhéran au Maroc, personne ne vient me dire « Ah, Téhéran au Maroc, mais quelle idée bizarre pour le réalisme et les compagnies ». Là, sous prétexte que je fais de l'animation, je devrais soit avoir un parti pris esthétique extrême et que j'adore dans le film d'Alain Guéto, sauf que le film d'Alain Guéto, je suis sur vraiment un intime sans... Enfin, pas sans environnement, puisque c'est en plein cœur de la révolution islamiste, mais Alain Guéto se concentre avant tout sur une histoire d'amour de ces deux personnages et sur sa mise en abîme à lui. Là, lui, il veut, entre guillemets, je fais exprès parce qu'on peut me saquer en disant son là, démontrer une vision de l'Iran d'aujourd'hui et surtout ce qui crée le décalage entre la vie publique et la vie intime. Et comment les Iraniens s'arrangent avec ça? Je pense que dans ce cas-là, bah, avec son parti pris de réalisme extrême que la rotoscopie vient aider, effectivement, et ça je suis d'accord, et bien justement, il affirme ce décalage. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans tout simplement un choix de cinéma, c'est-à-dire un cinéma qui montre beaucoup et qui finalement laisse peu de choses hors champ par rapport à un cinéma qui laisserait peut-être un peu plus comme Jasmine, je ne sais pas, de place hors champ? Et là, il y a vraiment une volonté de démonstration, enfin, voilà, de montrer, comme tu le dis, aussi de démontrer les choses, quitte à appuyer très fort dessus, et ça reste une problématique intéressante, c'est vrai, entre le public occidental et un autre public, ou dire, ou culpabiliser, ou au contraire, d'un seul coup, dire, faut que vous compreniez bien les choses, et dans ce cas-là, enfoncer, qu'on est presque dans un film, en tout cas, de propagande et forte, on va dire, plus que de tentative de brosser comme ça des portraits. On veut qu'on sorte de la salle quand même en disant, c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. On en reste là. Mais peut-être que Dire que la comparaison entre le film du Ghetto, Jasmine et Téhéran Tabou est pas évidente parce que les deux films ont l'Iran en commun, c'est à peu près tout. Jasmine, c'est un film qui recourt à la métaphore et c'est un film à caractère autobiographique. Téhéran Tabou, c'est un registre complètement différent, mais c'est tout à fait autre chose. Pour moi, les deux films se comparent très très mal. Et... Ils se battent pour avoir. Ouais. Ouais. Pour l'instant, mais, Antoine, après Nicolas, moi, mais je, oui, d'abord, parce que moi, ça, okay, ça peut être un peu à part. Non, juste, moi, c'est vrai que la comparaison, elle est dans un sens esthétiquement, clairement, et mauvaise, mais c'était juste par rapport à la prise de distance vis-à-vis du sujet, où j'ai l'impression, justement, que ce qu'arrive à faire un Huguetto et ce qu'elle n'arrive pas à faire, Théron Tabou, par rapport au sujet qu'il traite, c'est à prendre un minimum de distance, et donc, justement, il cherche à démontrer, alors que forcément c'est assez étrange de démontrer en prenant trois personnes et en les prenant comme des espèces de parangons de toute une population. Antoine, un dernier mot. Oui, oui, moi j'ai pas vu le film, donc je serai plus objectif que tous ceux qui l'ont vu. Donc, on parlait de la rotoscopie, ça joue un rôle. Il m'a semblé en vous entendant que c'est pas du tout innocent quoi, dans le rapport au film. Le rotoscopie, c'est évidemment c'est le rapport là, au réalisme le plus total. Et c'est comment un cinéaste va se dégager ou ne pas se dégager de ce réalisme en acceptant cette rotoscopie. Rotoscopie, donc j'en profite pour dire que je trouve qu'il s'installe de plus en plus, et notamment cette année à Annecy, on a vu de multiples films avec des bonheurs plus ou moins grands, mais énormément de films rotoscopés. La rotoscopie qui était tabou, justement, pendant longtemps dans le monde des animateurs, en disant que c'était de la tricherie, que c'était du faux, c'était pas des vrais animateurs, là, si vous rotoscopez. Et là, ça s'installe de plus en plus, et après, effectivement, c'est comment on joue avec ça. Pourquoi rotoscoper pour faire comme si c'était filmé en prise de vue continue ou pas, c'est ça la question. Ouais. C'était juste une parenthèse. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot. C'est moi qui ai le micro. Donc voilà, un tout petit mot sur un film que j'ai pas vu ici, mais que j'avais vu avant, qui s'appelle Ethel et Ernest, qui est un long métrage. Je sais pas si vous voulez dire. Moi, c'est vraiment très rapide. C'est juste pour dire à quel point je pense qu'il y a des films qui sont. Alors, on emploie le mot révolutionnaire. Peut-être qu'on l'emploie de manière un petit peu trop légère, parce que voilà, parce que dans l'animation, on voit qu'il se passe quelque chose dans le long métrage, et donc on a envie que chaque film amène quelque chose. J'avoue que j'aime beaucoup Ethel et Ernest parce que je pense qu'il a cette légèreté qu'on a rarement dans le long métrage d'animation. Il faut absolument, justement, ou alors la démontrer ou faire des choses, et qu'on est d'un seul coup dans une vie qu'on voit passer sans en face, sans rien, et que c'est assez étonnant. Il y a des moments donnés d'animation qui sont, puisqu'on est aussi dans un monde d'animation, qui sont des fois pas génial. On voit, voilà, tous les blocs 3D, enfin, etc. Et quelque part, on s'en fout, et heureusement, parce que finalement, on est là dans cette histoire où c'est pas des héros, c'est pas des gens qui vont nous transcender, il n'y a pas une morale à la fin, on se dit « Ah, je viens de comprendre quelque chose », on est juste dans la vie qui passe. Et je commençais tout à l'heure avec, en disant que voilà, avec Ozu, on n'est pas dans du Ozu, mais en tout cas, on a cette idée de « voilà, les choses se passent et puis ça, on prend ce qu'on a envie ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je pense que c'est un film qui est fort pour ça. C'est qui permet, je sais pas, Nicolas. Alors oui, je l'ai vu, il est très très très bien. J'ai bien aimé cette distance, le fait qu'on ait cette, c'est le couple type anglais d'un certain niveau social qui traverse le XXe siècle. Il y a un côté un peu tendre dans ce côté ce couple prolo comme ça qui va traverser la guerre, qui parle du passé. Qui est vraiment qui peut vraiment étreindre vers la fin. C'est assez étonnant parce que j'ai vu S.L. Ernest et j'ai vu Dans un recoin de ce monde dans une très petite fenêtre temporelle, et c'est clairement des films qui sont reliés sur un grand nombre de niveaux thématiquement, sur la guerre, sur la résilience, même sur le point de vue, puisque on est sur d'un côté les Anglais avec l'Empire britannique qui commence. Justement, on est dans un contexte qui commence à être post-colonial. L'empire japonais qui s'effondre sous les yeux de ces sujets qui entendent leur peur pour la première fois à la radio lors de la capitulation. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir voilà, deux films avec des individus comme ça qui voient en fin de compte le début de la fin d'une vision de leur propre pays, du coup d'une vision d'eux-mêmes qui change. Donc c'est vraiment... C'est avec On dans un recoin de ce monde, c'est un de mes préférés du festival. Avec deux films, c'est intéressant le comparaison que tu fais avec deux films qui vraiment la développent un cinéma. Encore une fois, un langage cinématographique qu'on voit finalement assez peu en long métrage, voilà, d'animation, et qui peuvent donner un certain espoir par rapport à ce qui peut se passer par la suite. Un espoir gâché par Vincent, pour moi, mais peut-être que certains d'entre vous ne sont pas d'accord autour de la table, et je vous laisserai d'abord parler. Loving Vincent, on t'a pas entendu Florian, donc vas-y. On m'a pas entendu parler, mais ça me permet d'enchaîner sur la roto. Voilà. Parce que moi, je fais partie des vieux cons intégristes. Hein. J'ai pas dit ça, moi. Non, mais moi, je le dis pour moi. Mais donc, là, j'ai un peu l'impression que c'est du ricolinage, en général. Et là, c'est du Van Gogh, quand même, donc ça pique. Cela dit, j'étais très agréablement surpris de la narration. C'est-à-dire que je m'attendais pas à un film narratif avec cette enquête, cette chose-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais quand même une déception. C'est-à-dire que voilà, on entend parler de réalisme, mais moi au contraire ça me fait sortir du film. Quand je vois, quand je reconnais les comédiens, j'ai un sentiment bizarre, de vraiment étrange, mais dans le mauvais sens du terme, qui m'a empêché de rentrer réellement dans le graphisme. Quand on regarde le générique jusqu'au bout, apparemment il y a un logiciel pour Van Goghiser les choses. Donc voilà, c'est peut-être ce qui expliquait pourquoi il y avait des petites touches, c'est peut-être le cas de le dire, là, qui se ressemblaient d'une fois à l'autre. Donc je le trouve déshumanisé alors qu'il cherche à être profondément humain. Ça me fait très très bizarre comme sensation. Et quand j'ai vu la Standing Ovation qui durait 3 plombes, j'ai dit non, mais là on n'est pas dans le risque, c'était pas la fin du Van Gogh, je comprenais pas. J'étais complètement décalage avec le reste des gens qui visiblement avaient adoré. Est-ce qu'il y a des gens qui ont adoré, ou en tout cas qui ont beaucoup aimé Loving Vincent? Moi j'ai dit, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait finalement, pourquoi je disais ça, c'est qu'on est. C'est pour ça que j'aime bien genre de table ronde et qu'elle me semble importante, c'est que moi j'ai pas aimé le film justement. Alors j'ai visuellement en effet, déjà je trouve que de toute façon l'idée même d'animer des peintures de Van Gogh est un peu ridicule dans le sens où il suffit d'aller voir une peinture de Van Gogh et que ça suffit. En tout cas pour moi, voilà, le mouvement est un peu inutile, ça c'est autre chose. Mais moi c'est parce que j'avais l'impression, comme je le disais en sortant, d'avoir vu un complément d'enquête, vous savez, ces émissions TF1 France 2 sur attention une réconstitution, mais qu'a fait Van Gogh ce soir-là. Et on suit, et c'est vrai que sur le coup j'étais juste alors un petit peu terrassé, surtout qu'à la fin il y a cette phrase où on dit en effet qu'est-ce que tu. Il y a des femmes qui disent, mais qu'est-ce que tu connais de la vie de Van Gogh, tu ne parles que de sa mort, pour se rendre compte que ce film ne parle que de la mort de Van Gogh et parle finalement pas du tout de la manière dont il a peint, dont il a vécu. Les lettres avec son frère Théo sont absolument bouleversantes, parce qu'en plus complexes, parce qu'elles mêlent la religion. Moi je suis pas quelqu'un de religieux, donc d'un seul coup, il y a une vraie complexité de se poser la question finalement de la couleur par rapport à Dieu, par rapport à la peinture, à la présentation. Et qu'on oublie complètement, et que c'est vrai que ça. J'ai parlé à des gens de festival qui me disaient oui, mais. Oh, t'exagères, c'est plutôt bien. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'avoir Loving Vincent dans notre festival, parce que c'est un tour de force, voilà, animé, et même si on est un peu pas d'accord du tout, mais en tout cas, voilà, ce côté peinture animée. Donc, je suis pas tout à fait sûr d'ailleurs, il faudrait replonger, mais je me demande s'il n'y a pas les films hongrois dans les années 70-80 qui étaient en peinture animée pendant tout le long, Ferenia, enfin, voilà, des choses comme ça, donc il faudrait revenir là-dessus. Donc Vincent, oui, non, tu veux, ouais. Ah oui, donc Antoine et Marco, bah ouais. Très très très brièvement, j'ai pas vu avec Vincent, mais j'aimerais cependant souligner que ce qui est assez intéressant avec ce film, c'est sa mise en marché, qui a commencé il y a 7 ans. En diffusant sur le web, sur les réseaux sociaux, les premières images du film, c'est assez habile et ça en a fait un film événement. Un film très, très, très attendu, peu importe sa qualité. Juste, non, c'est juste pour dire... Moi, je parle jamais, c'est ça. Non, mais en plus, ça va à l'inverse de ce que disent beaucoup de gens, finalement, dans l'animation, de dire « Oh non, non, on va pas dévoiler d'image », et de se rendre compte qu'en effet, des fois, plus de dévoiler des images avance, comme les gens ne sont pas forcément habitués à voir de l'animation, en tout cas, voilà, ils ne sont pas aussi passionnés que ça, bah, d'un seul coup, c'est peut-être pas mal de le faire. Pardon, monsieur le maître. Ah, quand même, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que la peinture a toujours inspiré les auteurs, et notamment dans le court-métrage, et notamment Van Gogh. Ah, il y a eu plusieurs courts-métrages, je n'ai pas les titres en tête, mais au cours de ma carrière, j'en ai vu plein. Enfin, là, j'en ai vu au moins 3-4, donc c'est déjà pas mal, qui essaie de mettre en mouvement les tableaux, plus pareil, plus ou moins de bonheur. Et en parlant de logiciel, je pense que ce n'est pas un logiciel, mais c'est ce qu'on appelle le deep learning, et je pense que c'est une technique qui va se développer. C'est-à-dire que ce sont des réseaux de neurones artificiels. Un réseau de neurones, vous lui apprenez, vous lui injectez des tableaux de Van Gogh, il va les apprendre. Vous lui agitez l'autre image, il va ressortir l'image à la manière de Van Gogh. C'est ce qu'il fait. Donc c'est un peu différent. Je ne rentre pas en détail technique pour vous dire comment c'est différent dans le logiciel, mais il y a une interprétation par le réseau de neurones qui peut être intéressante. Parce qu'un réseau de neurones, il faut l'écrire. Hein, c'est des algorithmes. Et d'un auteur d'algorithme à un autre, il suffit d'un petit rien pour que ça change le truc. Donc, c'est un logiciel, si vous prenez le logiciel, ce sera toujours pareil. On a bien une précision. Ouais, dans la salle. Le film n'est pas du tout fait avec un logiciel, tout est par la main. Non, mais... bah, au générique de fin, il y a un truc qui est cité quand même. Tout est fait à la main, en tout cas, peut-être pour l'aspect rotoscopie. En fait, ils ont tout fait sur des canvas et ils ont fait la rotoscopie aux vidéos proches, mais tout est à la main, il n'y a pas de triche. Okay. De toute façon, les neurones sont pas, enfin, les réseaux neuronaux ne sont pas assez développés pour faire des trucs isolants. On a très simple, mais. Vous avez vu. 2001 Odyssée de l'espace interprété par un réseau de neurones. Ah non, j'ai pas. Ah bah regardez-le, on le trouve sur le net, ça se fait très bien. Hein. Effectivement, il faut un peu de mémoire, mais pas énormément. Hein. Il en faut, hein, il faut des bécanes quand même. Mais regardez, c'est pas le film en entier, c'est pas 2001 en entier, mais il y a un extrait de 2001 Odyssée de l'espace à la manière de Picasso. Et ça donne des choses tout à fait. Mais là, c'est pas de la triche sur le film, hein, c'est vraiment pas. Enfin, il a d'analyse. Oui, allons-y. Parce que si on parle tous ensemble. Bonjour, c'est parce que moi j'ai pas vu le film, mais par contre, en effet, dans la promotion, ce qui m'a un petit peu choqué par rapport au monde de l'animation en général, c'est qu'il a été promis en tant que. C'est un film qui a été fait par des peintres, on a engagé des peintres. Et c'est vrai que c'est terrible quand on est animateur et qu'on nous dit ça et qu'on nous dit oui, regardez, nous on a engagé des vrais peintres, cette fois-ci ça va être quelque chose d'artistique pour changer. Enfin. Et c'est vrai que. Je n'ai pas vu le film, mais ça n'a pas donné envie de le voir personnellement. Et je voudrais savoir votre avis par rapport à ce moyen de communication assez révoltant à mon sens. Étant exploitant de la salle de cinéma, je peux parler direct avec quand on allait transformer, comme dans les années 80, quand on a transformé les cinémas porno en les faisant passer à la vidéo, les banquiers ont inventé le cinéma numérique en amenant l'obsolescence programmée dans les salles. Et qu'est-ce qu'on a dit aux exploitants? On a dit c'est génial, vous allez enfin pouvoir montrer des matchs de foot et des opéras. Alors que nous, si on tenait des cinémas, c'est pour montrer des films. Donc je peux comprendre un petit peu le côté vexant ou le côté brutal de la chose. Ça y est, enfin, on voit de la peinture dans l'animation, on va montrer ce que c'est. Je peux comprendre que c'est vexant. Ils auraient dû engager Van Gogh, hein, je vois pas pourquoi on passe. Je pense pas qu'il aurait voulu, mais. Et c'est la pardon, Marco, vas-y. C'est la plus-value artistique, en fait. C'est cette distinction entre les arts dits nobles et les arts high art et low art, comme disent les Américains. Donc là, on n'est pas dans le cinéma, mais de la peinture. Donc c'est effectivement cette plus-value qui une sorte de saut, quoi. Quand on fait des trucs, on fait des marchés. Faut que tu parles plus près aussi du micro après, Marco. Mais... D'accord. Voilà, merci. Donc, Vincent, on a premier débat sur la technique, mais on va réussir à avoir plus de choses. J'ai fait exprès, mais c'est pas bien. Donc, si quelqu'un veut dire un mot du USA, Blue Over the Wall, Louis et les Sirènes, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je voulais pas en parler pour pas que vous spoiliez tout. Mais est-ce que quelqu'un l'a vu et les critiques, on va dire, sont quand même plutôt positives visiblement. C'est pas Mind Game, mais c'est difficile évidemment de refaire surtout un film comme ça. Je sais pas, quelqu'un veut dire un tout petit mot? Oui, bah les deux Nicolas et puis. Ok, d'accord. Oui, je l'ai vu il y a deux jours et c'est cinglé. Mais c'est ça qu'on parlait de My Game, mais My Game, c'était pas un film original de Masaaki Iwasa. Là, c'est une histoire originale. Il a embauché quelqu'un justement pour l'aider à concevoir une histoire au format long qui lui permet justement de faire tenir tout ce qui lui tient à cœur. Et c'est ça, c'est un concentré de Masaaki Iwasa sur une heure 30 plus. Et moi, je trouvais ça merveilleux. Parce qu'il y a une joie qui se dégage de ce qu'il fait. Et c'est vrai que cette année, sur tout ce qu'on a vu, au niveau des longs-métrages en tout cas, ça fait du bien d'avoir cette espèce de poche d'air frais comme ça sur... Nicolas, poche d'air frais aussi pour ce USA. Non, moi je suis un peu plus tempéré. En fait, je trouve ça cinglé au niveau de, on va dire, de l'animation, du graphisme, des parties esthétiques généraux du film. où il va vraiment un peu dans tous les sens et ça fonctionne plutôt bien, mais c'est plutôt le scénario que j'ai trouvé quand même assez bidon. En fait, t'es pas très bien écrit et un petit peu pénible au bout des deux heures. Réponse forcément, là oui. Je peux pas faire autrement que te laisser répondre. Ah, mais je suis d'accord en sens où tu peux trouver le chose exceptionnellement naïve. C'est croire en soi, c'est la force de la musique, c'est des choses qui sont même des tropes dans la japanie, mais qu'on retrouve à la tonne. Et je suis tout à fait d'accord. Après, on est dans une synthétisation de la chose sur un long métrage, des personnages qui sont, pour moi, que j'ai trouvé personnellement agréables. Et qui est touchant. Quelque chose d'assez touchant. Donc, oui, vraiment, pour pas. En fait, moi j'ai juste trouvé que c'était plutôt même au niveau d'écriture, où en fait il y avait des choses qui allaient beaucoup trop vite, d'autres qui prenaient beaucoup trop de temps. Et en fait, où on avait une histoire qui était quand même un petit peu trop hachée et pas forcément extrêmement bien écrite et qui passait suffisamment bien. Et en plus, c'est vrai que j'ai eu quand même l'impression de voir un truc avec une petite sirène qui chante et c'était quand même un peu. Bon. Deux visions bien différentes et deux. Voilà, sachant que USA est forcément aussi, de toute façon, un auteur passionnant et à suivre aujourd'hui, donc à voir. Il y a son autre film qui devrait sortir aussi et deux films qu'il a fait. Donc voilà, j'aimerais qu'on passe peut-être un peu plus de temps sur un film qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup divisé. Quand moi j'ai entendu, je ne l'ai pas vu, mais qui est bien sûr Zombielennium. Qui commence, Francis? Je sais que les chaises de banlieue t'ont entendu beaucoup râler. Marco était à côté de moi, il m'a absolument. Donc Zombielennium, cette adaptation de l'Arthur de Pince, notamment de sa propre BD. Ouais, moi j'avoue que c'est. J'y allais avec plaisir parce que j'étais assez curieux de voir ce qu'ils avaient pu faire. Et puis, c'est vrai que chaque tentative du cinéma d'animation français m'intéresse. Donc, même si on peut dire que le sujet en lui-même n'est pas forcément ma cam, j'ai pas de lien par rapport à ça. Moi je trouve que le film, effectivement, est une cruelle déception. Je trouve que le scénario tient pas, en fait. Moi je suis face à un enchaînement de péripéties. On parlait de caractères qui existent dans les films. Là, je trouve que j'ai des enveloppes de personnages qui vont être en quelques traits, comme ça, tout de suite posés. Ils évoluent, mais parce qu'on construit quand même une ossature, un squelette de scénario, donc on les fait évoluer, mais par des choses qu'on attend depuis le début du film. Après, moi, j'ai un souci, parce que je trouve le film très pyrotechnique, au niveau du son, alors en dehors du fait que peut-être à bon lieu, on nous l'a un peu poussé au niveau du son, voilà, on a du son tout le temps, de la musique absolument, pratiquement tout le temps, et quand à un moment, le son se pose un peu, ça ne dure jamais très longtemps, parce que sinon, on va perdre le spectateur, et l'importance du son pourrait être toujours à l'intérieur du film. Alors donc j'ai évidemment beaucoup de mal avec tout ça. Après, j'ai du mal avec les clins d'œil qu'il peut y avoir dans le film, parce que je les trouve, alors le mot va peut-être être un peu dur, mais je les trouve un petit peu démagos. J'avoue, notamment par rapport à tout ce qui est la situation du stagiaire incarné par la jeune vampire, et où d'un seul coup, oui, on vient me... Mon public, ça va être aussi des étudiants en animation qui vont faire des stages. Donc, allez, je vais aller dans leur sens, ça va leur faire plaisir. Je n'en suis pas sûr et je ferai une comparaison avec Ethel et Ernest, où effectivement, quand Raymond Briggs annonce à ses parents qu'il arrête le lycée pour intégrer une école d'art, déception des parents. Et là, à ce moment-là, dans la salle, évidemment, et c'était très très gros, par contre, un très grand éclat de rire et des applaudissements du public. Voilà la différence entre la démagogie et la justesse, serais-je tenté de dire. Donc j'arrête là, parce qu'après on va dire que je détruis le film et que je ne laisse pas exister. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sauvé quelque chose dans Zombielennium, ou est-ce que tout le monde est d'accord sur cette catastrophe? Marco. Allez. Pour l'instant, c'est catastrophe. Moi, j'ai pas vu le film, hein, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu le film, et pour l'instant, juste en entendant Francis, j'ai plutôt l'impression d'une catastrophe. On va voir si Marco... En fait, j'ai pris le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un truc marketé conçu pour une clientèle adolescente. Donc on parle de marketing et de public adolescent. Pardon. Et cela étant, bon, est-ce que le film fonctionne auprès de ce public quand j'ai passé l'âge de 30 ans, je ne sais pas. Et c'est, je crois sur cette base que le film doit être évalué. De façon très personnelle, bon, la musique, à fond de la caisse, moi, ça ne me déplaît pas. Et, et le dernier tiers du film apparaît plus réussi que les deux premiers tiers. À partir du moment où les vampires donc, prennent possession du parc d'attraction. Les clins d'œil ne me gênent pas particulièrement. Bon, on peut parler de démagogie, oui, c'est un mot qui est particulièrement fort, mais bon, encore une fois, tout est dans la façon de concevoir ce film industriel. J'ai plus de réponse de Francis, après j'aimerais vous demander quelque chose. Mais... Bah, non, mais juste pour rebondir sur ce que dit Marco, moi, la musique très forte, ça ne me gêne pas ailleurs. Quand c'est assumé, quand ça va donner une dimension, à la limite, je suis peut-être le seul, parce que je pense aussi à d'autres gens qui ne sont pas autour de cette table, moi, ne pas être gêné par la partition de Laurent Pérez Delmar dans La Tortue Rouge. On peut dire qu'elle est quand même assez envahissante, si on veut être méchant, ou au contraire, assez explicite, orchestrale. C'est pas du tout un problème qu'on a avec la musique pop, c'est un problème que tout tend vers quelque chose. Alors oui, c'est peut-être une volonté marketing, mais même à l'intérieur de cette volonté, moi je trouve que le film se plante. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique, juste en un mot peut-être, c'est possible, Arthur de Pince le dit lui-même, c'est pour les 8-12 ans, c'est quelque chose, voilà, on le sait. Oui, lui dit ça en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un problème simplement d'avoir mis ce film peut-être trop en attente, en séance d'ouverture, et que finalement le film dont on va parler très rapidement après, parce que je sais que Marco, tu veux absolument en parler, à savoir Le Grand Méchant Renard, aurait été presque un meilleur choix pour un film d'ouverture, et que là, il y a peut-être eu une erreur de casting à ce moment-là. Je sais pas, ouais. Eh bien, je sais pas, non, il n'y a pas d'obligation de... Ben, en fait, il faudrait poser la question au festival. C'est un concours de circonstances, il doit y avoir toutes sortes d'impératifs. Je ne sais pas si ici, en France, si Zombie Alien est un film plus attendu que celui de Benjamin Renard. Cela dit, le film de Renard, je l'ai trouvé particulièrement chaleureux et sympathique. Pour moi, c'est une doudou. Ce film-là, c'est un film qu'on a envie d'amener à la maison. C'est très fin comme humour, c'est très, très délicat. J'ai passé un excellent moment. Donc, tout le monde pour son long métrage. Sur Le Grand Méchant Renard, Florian. Ben, déjà, pour revenir à ta remarque, là où il y a une chose qui est délicate, c'est que Zombie Alien est en compète. Alors que Le Grand Méchant Renard, c'est une projet exceptionnelle. Normalement, tant qu'à faire, un film d'ouverture ou de clôture quand il y en a, bon, là, ici, c'est une remise de prix, mais vaut mieux que ce soit un film hors compète en général. Donc là, il y a une question à se poser, effectivement. Filer l'ouverture, un film sur lequel on doit voter, ça y donne un petit boost qui n'est pas forcément justifié. Après, bah, oui, sur Méchant Renard, c'est qui est drôle parce que même si j'avais des a priori forcément positifs, j'adorais la BD, etc. Industriellement, on peut toujours se poser une question très cynique, c'est-à-dire, c'est pas un long métrage, c'est trois spéciaux télé de 26 minutes amalgamés avec des liages au milieu. Si on regarde de loin et d'une manière très froide et très cynique, et en fait, ça marche super bien. Ça marche super bien parce que c'est fait intelligemment, parce que c'est Pillier qui l'a produit, parce que c'est Benjamin et son univers et tout ça. Et on a un film qui. C'est un de ces rares films qu'on peut voir à partir de 5 ans, sans sous-entendre de 5 ans à tel âge. On peut vraiment le voir très jeune, on peut le voir adulte et tous les autres milieux. Est-ce qu'on appelle une intelligence chez Benjamin Renner aussi et son co-réalisateur, Humbert, parce que bon, voilà, de rythme, c'est quand même quelque chose qui se passe. On a un cinéma là qui, on parlait de hors-champ tout à l'heure, qui laisse beaucoup de place. Et je sais que Barco, tu as dû parler de Bugs Bunny et de ses grands cartoons, mais de Chuck Jones, sinon pas parmi les plus grands. Et qu'on a une intelligence assez étonnante de ce gag qui va se terminer et cette attente, et de savoir combien de temps on dure. Et souvent, ça peut être une catastrophe totale. Et là, j'ai l'impression que Benjamin Renner et toute son équipe ont compris ça, mais d'une intelligence absolument incroyable. Et voilà, nous joue avec ça à merveille, quoi. C'est vraiment. Il y a à la fois l'intelligence de texte qu'on peut avoir dans des BD comme celle de Fumur, dans Génie des Alpages, des choses comme ça, Et on a l'intelligence de mise en scène, par exemple, de Buster Keaton. On est complètement dans le monde du burlesque, notamment Benjamin en parle très bien, il leur arrive toujours des choses qui sont des hasards, c'est des accidents. Et ils enchaînent leurs réactions à des accidents, à des choses qui se mettent dans leur voie, et ça fonctionne super bien. J'aimerais passer. Alors vraiment un dernier mot, parce que comme sinon on n'aura pas de temps. C'est juste un dernier mot pour mettre en parallèle finalement les deux films français dont on parle. C'est effectivement ce qui fera toute la différence, c'est la différence entre le rythme et la précipitation. D'un côté, on a une écriture rythmique, et de l'autre, on bouscule tout en espérant que ça fonctionne. Alors, on va passer, merci pour les longs métrages. J'ai décidé de rester, vous le savez, sur la sélection officielle. On ne parlera pas de longs métrages, même si on est souvent des intéressants en hors compétition, pour enchaîner sur les courts métrages. J'en ai mis de côté, hein, et vous avez le droit, évidemment, après de dire bah, c'est une erreur d'avoir mis de côté Wednesday with Godard ou J'aime les filles, par exemple, qui sont dans le premier programme. Et on va enchaîner de suite avec peut-être l'un des films aussi qui était très attendu en court métrage et qui est Pépé le Morse. De Lucrèce Andrae. Qu'est-ce qui veut commencer avec Pépé le Morse, sachant que je vous demande d'être. Voilà, on a une petite demi-heure avant l'arrivée de Sophia Labouchi, mais voilà, qu'on puisse avoir le temps. Donc, Pépé le Morse, est-ce que. Tu peux commencer. Oui, c'est vrai, t'as pas entendu en plus. Donc. Oui, parce que là, j'ai eu peur, j'ai le court-métrage pour passer à la table une fois de plus, alors que c'est, à mon avis, le format qu'on a le plus besoin de parler. On va avoir le temps. Parce que le court-métrage, on en parle partout, des films qui. Il va y avoir des tonnes de. De papier là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon. Non, c'est faux parce que. Moi, je suis pas dogmatique. Moi aussi. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont voir une grande partie des longs et que s'il y a des critiques par rapport aux longs, ils vont pouvoir eux aussi très rapidement se faire une opinion et qu'il y a peut-être la possibilité d'être sous dialogue qu'il n'y a pas. Après, en effet, si on était pendant la promotion, voilà, on serait tout le monde court. Alors, ce que je propose dans le prochain, c'est qu'on commence par le court et on finit par le long. Et tu verras ce que ça va faire. Bon, alors, voilà, pour Pépé le Morse, il y a des débats idéologiques importants qui se passent à cette table. Pépé le Morse, oui, c'est un bon film. Ça fait partie de cette veine des nouveaux cinéastes français dans le cinéma d'animation français, deux courts-métrages, qui s'attellent à des narrations véritables, comme dans le film Le cinéma en prise de vue en continu. Je le mets dans la lignée du film de Gabriel Harel, donc Yule et le Serpent. On a ce côté-là, avec... un côté matiné un peu miyazakien, si je pourrais dire, avec ce côté, ce réalisme fantastique qui, voilà, donc qui, moi c'est un film tout à fait honorable. Après moi c'est pas forcément ma tasse de thé ce type de film, mais je trouve ça tout à fait honorable. Une étudiante qui, comme Benjamin Reiner, sort de la poudrière. Et des gobelins. Et des gobelins. Quelqu'un d'autre sur Pépé le Morse? Je veux bien garder. Ouais. C'est pas grave. Ah oui, pardon. Non, mais ça, c'est. Excuse-moi. Oui, allez-y, par contre. Je veux bien qu'on enchaîne sur Pépé le Morse. Personne. Moi, je peux le dire, hein, je trouve que c'est un film d'une facture agréable. J'avoue que j'ai du mal avec une mise en scène, des fois un peu hystérique, un peu à la repas dominical de Céline Deveau, que je trouve assez peu intéressant. Par contre, des personnages, notamment le personnage du garçon, que je trouve très, très touchant, avec des voix, je trouve qu'on commence à avoir. On n'a pas dit pour Benjamin Reiner, mais enfin des situations de voix et de direction d'acteur assez étonnantes. On avait ça avec Ma vie de courgette l'année dernière. Et donc, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir voilà, tout ce retour-là. Et là, dans Pépé le Morse, il y a quelques fulgurances, je trouve, au niveau des personnages qui m'agacent, mais c'est bien, comme la mère, par exemple, comme la voix de la mère, mais c'est bien parce qu'au moins, on est en réaction par rapport au film. Mais un film qui, quelque part, comme visiblement le disait Lucrèce Andrae elle-même lors des petits déjeuners, disait moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du long métrage. Et c'est un peu ça, c'est un peu un court métrage qui. Enfin, moi, voilà, c'est une partie d'un long métrage si je pouvais, mais pas tellement un court. Quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Antoine par rapport au film, mais ce qui est quand même assez impressionnant justement, c'est qu'en 14 minutes, elle arrive à mettre en scène autant de personnages différents, alors que c'est plus quelque chose qu'on voit généralement dans le long métrage, et c'est pas étonnant justement qu'elle veuille faire du long métrage quand on voit le nombre de personnages qu'elle arrive à mettre en scène. Mais par contre, ça, c'est quand même assez impressionnant de réussir à faire distinguer autant de personnages, leur apporter une personnalité, une certaine touche en aussi peu de temps. Hop, le film d'après, I Want Pluto to be a Planet Again. C'est là qu'il commence. Alors moi, c'est simple, je déteste ce film. Je trouve qu'il a un succès non mérité dans les festivals. Il a même été sélectionné à Clermont, j'en parle autant que j'étais clairement content. Je trouve qu'il est, est vraiment surestimé. C'est... Quand je vois le travail de Mavunia Bouka qu'il a fait auparavant, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a Majid Kelly, et c'est vraiment le star system qui a fonctionné. Majid Kelly est une cinéaste française et, qui a été primée avec des cours, qui s'est fait un nom dans le monde du cinéma. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce film est là. Il faut qu'on m'explique. Alors peut-être mes camarades... Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi... Ou en tout cas, pourquoi lui ou... J'allais dire lui ou elle, non, parce que lui ou lui... Parce qu'on l'a déjà dit, vous n'êtes que des garçons. J'ai tendance à être totalement d'accord, donc je ne vais pas expliquer. En fait, je n'ai pas compris pourquoi je l'ai fait. Alors je déteste ce film parce que d'abord je le trouve graphiquement très moche, après les goûts dans la nature existent, tous les goûts existent dans la nature, donc, mais je trouve ça très très très très laid. Ensuite un scénario dans cet univers dystopique qu'on a qui a été fait sous multiples formes, qui apporte rien, c'est difficile de parler du néant, donc si tu m'en es d'expliquer le néant, c'est un peu le problème que tu me poses. Moi je ne suis pas non plus un fan du film. C'est un film propagande. C'est un film qui, d'un seul coup, quand j'appelle moi film propagande, c'est un film qui appuie. Voilà, très longuement. Et on en a parlé. Moi, j'ai vu que le plan à la fin avec le cœur, on sort et on voit le cœur comme pour nous dire, au cas où vous n'avez pas compris, voilà. Après, moi, je peux comprendre qu'on aime le film, mais c'est un film qui est fait dans un cadre d'une collection télé. C'était le seul film d'animation de cette collection, ou qui en est fait, dans ce cas-là, où on appuie fortement, et on ne cherche pas à être dans la légèreté, on ne cherche pas à être dans des petites touches comme ça, mais on dit, vous avez compris, le futur, c'est terrible. Et, on sent la signature autour de minuit. Oui, c'est ça. C'est ça, l'esprit de la maison. Autour de minuit, étant le distributeur et puis le producteur. Oui, tout à fait, du film. Ça me fait assez penser à un autre film du même studio, qui date déjà quelques années, qui s'appelait Bernie's Dog. Cette espèce de misanthropie, d'esthétique délibérément laide. Il y a quelque chose qui rejoint ces deux films, et c'est une tendance qui se dessine dans le catalogue de. Donc, on passe à un film complètement différent qui, je sais, a beaucoup plu pour beaucoup de gens, Negative Space, qui veut parler de ce film, Florian. Negative Space, moi j'ai eu la chance de le voir grandir, c'est-à-dire que j'avais lu en projet et tout, et déjà il était très fort. On voyait le film, c'est un dossier qui est super bien présenté. On a la nouvelle, on s'est inspiré, c'est entre nouvelle et poème, ça fait à peine une demi-page. C'est excessivement synthétique, ça marche très très très bien. Et oui, ils ont respecté. Ça me faisait un truc absolument énorme, ça me faisait penser à L'homme qui voulait être roi, où on fait un film de 2 heures avec 40 pages de nouvelles. Là, on fait 5 minutes avec une demi-page. Donc on pourrait dire on étire, mais non, on va malgré tout à l'essentiel, c'est universel. J'aime beaucoup. Et les narrations, il y a une enseigne. Donc, Negative Space, Antoine. Oui, moi je. Alors, juste sur l'adaptation, faut se méfier entre la longueur d'un texte et la durée du film. On a des exemples tout à fait contradictoires. On peut avoir des grands trucs qui durent 5 minutes, et 50 pages qui durent 5 minutes, et une demi-page qui dure 2 heures. Oui, moi je trouve que dès le départ, il met en place un univers un peu plastiquement. Qui est quand même au-dessus de Pluto, là. On peut considérer que c'est un film à chute, parce qu'à la fin, quand même, il y a une chute. Mais malgré tout, tout le reste du film, tu te souviens de la chute ? Oui. Justement, je te parlerai après. Je voyais l'air dubitatif, là, donc... c'est vrai que le film à chute, des fois, ça amuse un peu, parce que une fois qu'on l'a vu, c'est fini, quoi. Mais il y a quand même tout l'univers avant qui est décrit et qui est super, super bien, super touchant. Ce rapport, justement, le rapport entre le père et le fils se lit par rapport au bagage qu'il faut faire correctement. Donc il y a quelque chose d'assez sympathique et original. Et ce que j'aime bien, c'est la découverte d'univers qui sort de ce qu'on voit d'habitude. Parce que moi, ce que quand je regarde le tournage, j'ai pas envie qu'on refasse le même film avec le même scénario. Ça peut être très bien fait, mais bon, si on m'a déjà raconté l'histoire 1000 fois, bon, ça, là, j'ai l'impression qu'on m'avait jamais raconté cette histoire. Donc du coup, je prends beaucoup de plaisir à regarder ça. C'est extrêmement bien construit. Hein, puis, cette chute par rapport à ça, que cet espace gâché, c'est une négative espèce, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres critiques ? Moi, j'avoue que je reste complètement un peu en dehors du film. Je trouve qu'il est très carré, très, très classique. Et d'un seul coup, il y a quelque chose de très efficace. On parle d'efficacité dans le film. Il n'y a pas un plan qui dure 3 ans de plus où on se dit « Ah, je vais me perdre un petit peu dans ce film et ça va me permettre d'aller vers autre chose et qu'on a quelque chose. » Et justement, c'est plus moi qui m'épate parce qu'on attend la tendresse et d'un seul coup, tout le monde évidemment rigole énormément dans la salle comme c'était une chute presque uniquement de comédie et qui aurait pu amener au contraire peut-être quelque chose de plus touchant, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, j'attendais peut-être ça aussi du film. C'est ça aussi... Si je ne me trompe pas, le film est adapté d'une nouvelle. Ouais. Bon, j'imagine que dans la nouvelle, l'analogie de la valise et du cercueil est à deviner. C'est pas illustré, c'est à deviner. J'ai pas lu la nouvelle, je m'avance, je prends des risques. Tandis que dans le film, je l'ai vu deux fois, lorsque le cercueil arrive à la fin, on est immédiatement dans le domaine de l'évidence. Et c'est à ce moment, je trouve, que le film perd une partie de son charme, parce que ça devient... particulièrement prévisible. Et donc, la chute m'a paru faible pour cette raison. Mention spéciale du prix André Martin, et le prix André Martin du court-métrage a été donné à Nothing Happens, le film de Michel et Uri Kranot. On a un, deux, trois membres du prix André Martin. Est-ce que... On déteste ça. Oui, donc voilà, donc vous, c'est un petit peu difficile. Est-ce que, Antoine, je ne sais pas, Nicolas, Nothing Happens, le film des Kranot? Oui, vas-y, vas-y. J'ai un peu peur, en fait, avec ce court-métrage, parce que j'avais vu l'année dernière, l'an précédent, que je n'avais pas aimé du tout. Forcément, ça crée des attentes dans l'autre sens. Et j'ai bien aimé. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont marrés comme moi à la fin du. Sur la chute, justement. Après, je suis un peu tordu comme mec, donc forcément, je ne m'attends pas à ce que les gens réagissent comme moi. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la fin que ça a. Après, il est au sein d'une sélection qui réunit pas mal de cours que j'ai trouvé extrêmement sympa. Donc. Il y a ça aussi qui a discuté, c'est comment les différentes sélections elles sont créées, parce que ça influe forcément sur le regard qu'on porte dessus. Il y a des films qu'il faut voir hors contexte, qu'il faut se forcer à revoir à l'extérieur des sélections données par le festival. Ça, c'est une grande problématique, la programmation, cette année en tout cas. Mais restons sur, sur ce film Nothing Happens. Donc, le film des Kranot, effectivement, moi je ne suis pas un grand fan de leur film, j'aime pas trop la forme, qui peut ce qui n'est pas la forme de celui-ci. Le problème que j'ai avec les films de Kranot, c'est que je ne sais pas où ils se placent et ce qu'ils veulent vraiment dire. On retrouve le même propos ici, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a quelqu'un, on peut penser que quelqu'un a été tué, fusillé, on ne sait pas qui est le fusilleur et qui est le fusillé. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les films de Kranot, c'est qu'on ne sait pas. Du coup, on peut analyser le film de son point de vue. C'est-à-dire qu'ils sont israéliens, donc je ne veux pas non plus faire d'amalgame, mais il y avait un film avec un prisonnier et son gardien. Si je suis pro-palestinien, je vais avoir l'empathie pour le prisonnier. Si je suis israélien de droite extrémiste, je vais être pour le flic. Et ça me gêne un peu, en fait, tout ça. Parce que je ne sais pas... Des fois, j'aime bien les films qui laissent une porte ouverte, et c'est le cas de celui-là. Et c'est celui que je préfère des Kranot, hein, après tout. Mais globalement, quand même, ce cinéma me questionne, mais pas dans le bon sens. Avec un malaise, quand même, derrière la question. Nicolas se lève, je pense qu'il veut. Il se relève de ça. Donc voilà, le jury André Martin qui lui a donné le grand prix, c'est à vous de défendre. Enfin, si vous voulez. Contrairement à mes collègues, j'avais beaucoup aimé le dernier film des Kranot, How Long Not Long, qui était présenté l'année dernière. Mais si j'aime beaucoup celui-là, c'est parce qu'il est complètement différent du précédent. Le précédent était quelque chose qui était plutôt vif, qui était très rythmé, beaucoup plus court. Et là, en fait, c'est un film qui prend vraiment son temps, qui nous permet de regarder à peu près chaque morceau de l'écran, chaque partie de l'écran. On n'est pas justement fixé sur un point particulier. C'est un film qui arrive à vraiment prendre son temps, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout vers quoi on tend, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Il y a quelque chose d'assez énigmatique avec ces espèces d'oiseaux qui arrivent, ces corbeaux qui arrivent sur les arbres par moment, et puis le contre-champ avec les individus qui commencent à arriver vers un point de vue qu'on ne voit jamais. Et il y a aussi une espèce de dimension un peu fantastique et assez étrange quand on voit les individus de face avec des espèces de yeux exorbités, on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment humains ou pas. Et en fait, on est plongé clairement dans une atmosphère, c'est un film aussi, clairement un film d'atmosphère. Et même si c'est un film qui est relativement long, même si c'est un court-métrage, qui est relativement long, je crois qu'il fait 12-14 minutes, quelque chose comme ça. On peut être assez facilement pris par le rythme, par la blancheur totale, par les personnages qui interrogent aussi le regard et notre place clairement dans le film, et où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on y fait. Et ce qui est intéressant justement pour moi aussi, c'est la chute, entre guillemets, qui est extrêmement rapide, enfin avec juste un coup de fusil, et le fait qu'on ne sache pas, le fait qu'il ne montre rien, et le fait que ça laisse justement au spectateur la totale liberté de pouvoir soit interpréter, soit rester comme ça. Et justement, c'est, est-ce qu'il y a une portée politique, est-ce qu'il y a une portée uniquement esthétique, ça c'est vraiment le libre choix du spectateur, et je trouve ça plutôt intéressant, et justement pas du tout à ce niveau-là démonstratif. Et en plus, il y a vraiment une écriture, et une proposition aussi formelle, une proposition d'écriture justement qui est assez audacieuse et un peu plus radicale que les choses très classiques qu'on pouvait voir ailleurs. Alors très vite, Marco, un petit mot. Je vais vraiment bien évidemment fait parce que donc, je faisais partie du jury, mais je voudrais aussi préciser que le film aussi était présenté dans la section VR ici. Annecy, malheureusement, je voulais voir hier la version VR, mais les attentes étaient pleines et j'ai pas pu. Et je suis vraiment très curieux de découvrir cette œuvre en version VR. Je ne sais pas si quelqu'un ici a eu la chance de voir, parce que le propos, la forme me paraît bien adapté pour le VR. J'avoue que j'ai laissé, on récupère aussi Pacha Laveugle qui a été mis, j'ai laissé la VR juste pour le temps qu'on a, désolé, peut-être que l'année prochaine on pourra faire quelque chose sur VR. Une des déceptions pour moi de ce festival, film que j'attendais, Full Story, le film de Daisy Jacobs, beaucoup moins fort que The Bigger Picture, son film à la NFTS, qui avait une force narrative avec ses deux frères qui doivent s'occuper de leur mère, et ce jeu entre les deux frères comme ça, l'un dilettante et l'autre qui s'occupe d'elle, qui était d'une force et d'une beauté aussi au niveau des dialogues, une réussite absolument exceptionnelle, avec un jeu graphique évidemment mélangeant peinture sur mur, enfin à plat on va dire, et volume, et là elle rajoute aussi, on voit pas des acteurs, des choses comme ça, et moi j'étais très déçu parce que j'attendais énormément. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut-être l'inverse le défendre ou Alors moi je suis d'accord sur le fait que le film est moins emballant que The Bigger Picture, mais je crois qu'il faut lui laisser le temps, c'est son second film après son film de fin d'études, et qu'elle a mis en place une forme basée sur le trompe-l'œil, voire le faux-semblant, et je pense que le problème du film c'est que le scénario est un peu comme ça aussi, donc on se perd un peu dans l'histoire, comme on peut se perdre dans la forme plastique qu'elle utilise entre le réel, le décor réel, les décors dessinés, le décor en volume, etc., l'acteur qui arrive. Donc il y a beaucoup, du coup, elle sollicite toutes les parties du cerveau et on n'est pas habitué, donc du coup, on perd un peu avec le film. Je pense que c'est simplement pour ce film-là un problème de scénario. D'autant que quand on lit les sous-titres en plus, ça fait beaucoup de choses à voir hein, quand on ne comprend pas l'anglais. Donc là, on est carrément pourri. Hein. C'est pour la respirer en partant. Ah non, j'ai piqué ça. Donc Bigger Picture, on continue à avancer. Encore une fois, c'est des films que j'ai pris. Je voulais dire Manivald. Est-ce que quelqu'un a vu Manivald de Chitty Stonegren? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est une réalisatrice qui est souvent très très confuse dans les films d'avant avec son univers qui est déjà présent. Manivald, moi je l'ai vu, j'ai été assez surpris de le voir en compétition court-métrage parce qu'en fait au Cartoon Forum, qui est un forum de production pour les séries télévisées qui est basé à Toulouse, qui était en septembre dernier, elle avait présenté comme étant une série télévisée. Mais il y a toujours la série télévisée. Oui, c'est un peu comme ce qui se passe avant. Là c'est le premier épisode de la série. Ah, parce qu'elle avait prévu, c'est-à-dire quand elle avait pitché sa série, ça c'était le premier épisode de la série télé qui continuait après. Et en fait, j'ai peut-être vu d'un point de vue complètement différent des autres parce que moi j'ai vu en ayant en fait tout le scénario qu'il allait avoir après. Et en fait, je l'ai vu en pensant que c'était un premier épisode. D'ailleurs, si elle trouve les financements, ce qui est apparemment beaucoup plus compliqué, la chose la plus compliquée, elle devrait arriver à une série télé. Et donc finalement, j'ai vu ça comme étant le début de quelque chose d'autre et qui était. Disons que pour ceux qui ont vu Manivald, c'est extrêmement drôle, c'est un peu déjanté. La suite est encore pire, et encore plus folle, encore plus dingue. Et du coup, j'espère vraiment qu'elle le fera, parce que moi, Manivald m'a juste donné encore plus envie, après avoir entendu le pitch de voir la suite, parce que l'univers est extrêmement amusant, très simple et à la limite du naïf, mais en plus avec un propos qui, lui, est beaucoup plus grave, pas dérangeant, mais amusant, enfin, voilà. Et ça fonctionne parfaitement bien pour moi. Marco, toujours Nicolas, je veux bien que tu me rendes. C'est un peu comme Théorème de Pasolini, mais en animation. Par ailleurs, ce qui m'amuse assez, en plus, c'est la façon dont l'orientation sexuelle est complètement dédramatisée. C'est pas un enjeu dramatique, et ça, c'est pour moi une bonne base. Donc, un personnage homosexuel, que ça fasse pas événement au sein du film. On en a de plus en plus comme ça, de films qui commence à se dégager justement de ça, qui le prend comme un truc normal de la vie courante. Quoi. C'est, après, moi, ce film, je trouve ça très sympa, mais j'ai l'impression qu'un peu d'avoir vu, je sais pas si je me trompe, mais là, de Ma vie avec Herman ou un truc comme ça. Oui, c'est la même. C'est le même esprit, on a un côté comme ça, très. Mais qui crée la drôlerie, quoi, le comique, le burlesque, comme ça, sur des situations un peu étonnantes. Hein, voilà. C'est. Je vous rappelais, Amanivald, c'était ça. Hop, on a vu. Et rapidement, avant le dernier film, est-ce que quelqu'un veut parler d'un film qui m'a surpris, d'un réalisateur qui n'est pas du tout un réalisateur d'animation, qui est un producteur de documentaires, prise de vue continue à la base, qui s'appelle Amalimbo. Est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un veut dire un petit mot sur Amalimbo? Pas forcément, ok. C'est quoi Amalimbo? Amalimbo, c'est le film, c'est un très étonnant qui mélange beaucoup de sites graphiques et qui parle la mort, comme ça, d'un père qu'on voit au début. Bah, chercher un chien, c'est pas trop, et en fait, je trouve ça très étonnant parce que sur ce sentiment de la perte, du manque, on réussit à travers quelques petites scènes comme ça, des touches de nous. Enfin, là par exemple, enfin, moi en tout cas, d'être assez bouleversant, je trouve, mais sans avoir une ligne narrative très, très, très précise. Oui, moi je suis un peu d'accord, il est l'âme dans les larmes, d'une certaine façon, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça, oui. Oui, ce que je l'ai plus, c'est d'utiliser des techniques différentes dans le film. Après, je trouve qu'il y a un manque de rythme quelque part, mais cette recherche de graphisme différent, dont l'animation un peu caoutchouc, du sang noir et blanc qui va en donner, c'est assez super, c'est assez intéressant de voir ça, cette hybridation des choses. Ouais. Francis Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, et finalement pas négliger le film, c'est comme une déambulation en fait, autour de la perte et du deuil. Et je trouve que le film est assez réussi là-dedans parce qu'il. Il pourrait être très vite dramatisé, comme d'autres le font, puisqu'on a beaucoup de films sur le deuil, quand même, en court-métrage cette année, moi, je trouve. Et là, pas du tout, il y a des moments comme ça très fulgurants, ou comme quand cette jeune femme raconte à l'enfant dans le train cette histoire, un petit peu ce conte, un petit peu merveilleux. Il y a comme ça, là, à ce moment-là, un grand moment de simplicité, en termes d'animation, enfin, pour moi, en tout cas, en termes d'animation, en termes de mise en scène, j'ai un plan fixe. Je suis content quand il y a des plans fixes en animation, parce que je trouve qu'on n'ose pas beaucoup les faire. Et voilà, et c'est vraiment porté avec une justesse d'interprétation. Et le film aussi est intéressant sur cette justesse d'interprétation. Alors, j'ai comment juste un petit mot. Oui, non, ben, en parlant, du coup, ça revient aussi. Il y a cette utilisation, je disais, de différentes techniques, mais aussi de l'expérimental qui arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des images totalement abstraites. Qui traverse le film et dans la narration, et ça c'est assez original aussi de voir qu'il n'hésite pas à nous mettre des images où c'est juste des tâches qui passent alors qu'on est on est dans la narration, on n'est pas parti ailleurs, c'est vraiment Allez, on va commencer ce tour de table des coups de cœur. Je vais commencer avec le mien, sûrement mon plus grand coup de cœur d'une des réalisatrices préférées depuis quand même moi, trois courts-métrages, on en a fait deux avant, et qui est bien sûr, j'ai la chance de passer des images que vous n'avez pas forcément, qui est bien sûr Mia Borda, qui est le film de Nicky Dross-Bonnebar, qui, moi, alors, depuis Thorn and Tord, je la suis, Sim Hall, et je trouve que c'est un film, alors pour moi, c'est mon coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre, je le dis en tout cas, en vraiment très très fort. On commence par quelque chose qui pourrait presque être drôle, et on s'enfonce petit à petit, toujours avec cette espèce de caméra qui ne bouge pas, plan fixe. Cette comédie musicale, au départ, tout le monde pense que ça va être drôle, et puis plus on avance, plus on se rend compte que c'est peut-être pas si drôle que ça, et qu'on est dans cette vie qui s'enlise, et d'autant plus fort pour moi que cette caméra fixe, finalement, ne nous permet pas de nous échapper ou de tenter d'aller voir ailleurs, et qui finit sur ce moment absolument terrible à la fin du film, où on s'éloigne, on se rend compte que cette ville urbaine, ce petit lot qui pourrait représenter évidemment la Terre, et qui, voilà, je trouve que c'est un film joliment dépressif, et qui nous donne, voilà, cette espèce d'angoisse de la vie de tous les jours, mais avec cette espèce de comédie musicale pour faire croire qu'on peut aller vers autre chose. Ce que je vais faire, c'est qu'on va chacun passer, et si vous voulez réagir, bien sûr, à l'un des films qui est présenté, vous pouvez le faire. Nicolas, si tu veux commencer, toi, par un coup de cœur, si tu as envie de réagir au coup de cœur, mais si tu veux déjà, toi, ton coup de cœur de cette édition. En cours, donc Non, comme tu veux. Non, c'est vraiment là, c'est tout confondu. Oui, en cours. Je vais dire au moins à l'autre Nicolas qu'on est d'accord sur l'animal, donc on se sera retrouvé sur quelque chose au moins autour de la table. Je suis aussi également que je suis impatient de voir la suite et j'espère qu'elle y sera. J'ai pas ce point de vue sur le cours, justement. Donc, du coup, j'attends la suite de l'animal. D'accord. Que je l'avais. Merci. Marco, toi, un coup de cœur dans ce festival? Ouais, bah, je serai patriote. Je choisis Tesla, Lumière mondiale. Oui, dont j'ai pas pu parler. Hein, de Matthew Rankin, c'est un film que j'ai vu bien avant Annecy. C'est un film que je trouve formidable, qui d'ailleurs a quelque chose en commun avec le film de Nicky Landroth, Van Barr. C'est cette dimension théâtrale opératique. Et Matthew Rankin est un inventeur hors pair. Il faut découvrir sa filmographie. Ce n'est pas un animateur au sens strict, c'est un inventeur. Et dans Tesla, qui raconte une tragédie du 20e siècle, on est aussi face à une sorte d'essai d'animation totalisé, parce que tout est animé, même la lumière, dans Tesla. Francis. Oui, Alexis. Alors, je vais tout de suite faire plaisir à Antoine, parce que je vais parler d'un long, mais en deux secondes. Redire que, effectivement, pour moi, Ethel et Ernest est un de mes coups de cœur. Et que le deuxième film dont je vais parler en coup de cœur, c'est un petit peu, je ne sais pas si je m'inscris contre une tendance que je trouve très forte cette année, mais de plus en plus peut-être dans l'animation, qui est le souci de la performance technique et visuelle. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je dis qu'il faut qu'elle s'assoie sur un fond, et que j'ai des sensations pour pas mal de films, ce n'est pas trop le cas. Ça sera un film de fin d'études, un film de la Cambre, un film de Violette Delvoye qui s'appelle Projection sur canapé, où effectivement, donc là on est en marionnette, et effectivement si c'était fait en live, on dirait putain, c'est un archétype du cinéma d'auteur français, deux personnes dans une chambre qui parlent. Super, bravo. Sauf que moi, je suis hyper content de voir ça en anime, de voir voilà, qu'on va oser du chant contre chant, de personnages qui parlent, de jeunes femmes ici, qui disent leurs désirs, leurs attentes, et que le film, j'ai beaucoup dit ça, donc je me répète, est juste par rapport à ce qu'il dit, par rapport à l'incarnation, et que déjà pour un film de fin d'études, je trouve qu'il y a un travail de direction d'acteur qui est absolument fabuleux. Et que voilà, Violette Delvoye ose aller dans la simplicité extrême, et que je trouve que c'est assez complet pour un film de fin d'études, parce que souvent on vous attend au tournant de montrer très peu de choses, uniquement de filmer ce qui est nécessaire à l'histoire. Merci beaucoup, Florian. Alors, bah, pour les pros en cours, je te rejoins notamment, et puis sinon, les Negative Space, dont on a longuement parlé tout à l'heure. Et en fin d'études, il y avait quand même une grosse tendresse pour l'MK, ça tu le sais, donc des résidus analytiques qui marchent très très bien pour moi. Et parce que je vais rester dans le noir et blanc, et tous les tables de Poudrière qui marchent bien aussi, que je trouve bien construits, qui effectivement on reste film de fin d'études, pour le coup, un petit peu moins la conversation sur canapé, etc. Mais sont des moments vraiment de respiration, qui sont super bien faits, très construits. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, moi, mon coup de cœur, si ça aurait été Tesla, mais bon, t'as déjà pris. Du coup, je vais. On sent les deux Canadiens, même si. Ouais. Les faux Canadiens, c'est un Canadien. Oui, je suis un Canadien. Mais non, Tesla était vraiment magnifique. Et sinon, un film dont en général on parle peu, mais qui m'a vraiment beaucoup touché, que j'ai adoré, que j'ai découvert dans un autre festival, c'est Empty Space de Ulukov, que je trouve vraiment magnifique, la construction de la marionnette à Titi, et justement le fait qu'elle prend son temps dans une espèce de maison de poupée qui n'est pas vraiment une maison de poupée non plus, parce qu'en fait elle est à l'air libre avec le dispositif cinématographique qui est autour, mais qui n'est pas non plus extrêmement, enfin, trop appuyé, et avec des passages vers une dimension qui relève un petit peu du symbolique, parce qu'on écrit quand même dans l'histoire, et après on voit quelque chose qui relève de l'extérieur, qui est assez surprenant. Puis qu'on découvre après. Et j'ai trouvé le film vraiment magnifique. Et Pour finir, évidemment, vers vos paroles, au regretté, Antoine. J'ai cru que tu allais dire au regretté. Non, pas encore. Ah, ça me fout un coup de blues. Hein. Mais bon, alors, pour ton film, pour ton coup de cœur, oui, moi, j'ai bien aimé. Après, c'est une construction, on peut... Elle est suédoise, et on ne peut que penser au cinéma de Roy Anderson, évidemment. Qu'elle cite bien, évidemment. On retrouve, c'est bien de le faire aussi. Et ça me permet de dire aussi qu'il y a des poissons dans ce film. Et le nombre de poissons qu'on a vu, je ne comprends pas que le festival n'ait pas ouvert une poissonnerie, parce que c'est vraiment plus qu'une boutique, parce que vraiment, il y avait beaucoup de poissons cette année, c'était très bien. Il y avait des thématiques assez fortes, en effet. Juste pour dire aussi qu'ils n'ont toujours pas fait de progrès en programmation, ça c'est clair. C'est les films se télescopent les uns les autres de manière réhurissante. Les films sur le deuil, il y a justement le film du Lopikov derrière, il y en a à peu près l'équivalent. Ils se tuent les uns les autres, les films, c'est terrible. Donc on l'avait déjà dit l'an dernier, on l'avait dit l'année d'avant, et ça doit faire donc à peu près 30 ans qu'on le dit, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Après pour les films, pour le Off Limits, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, moi j'aime bien faire plaisir à mes amis canadiens, donc j'aime bien la bêtise. J'ai trouvé ce film assez fort. Merci Antoine, c'est un film que j'aime beaucoup. Oui, alors que je ne suis pas du tout fan de Tesla, mais j'aime beaucoup la bêtise par contre. Et comme un film étudiant, j'en ai 4 sous la main. Bon, alors il y en a, je ne cite pas parce que effectivement des résidus analytiques. Enfin bon, c'est, je ne sais plus si il est étudiant. Je l'avais déjà vu aussi, donc du coup je ne cite pas. Oui, mais avant, excusez-moi, avant les étudiants, il y a quand même un film très fort en compète. Officiel, on va dire. J'ai dit un cœur. C'est parmi les vagues sombres de Anna Budanova, qui pour moi est vraiment le meilleur film de la sélection 2017, en court-métrage en tous les cas. Chez les étudiants, j'ai vu hier Sog et j'ai resté un peu sur le cul, un film allemand, Jonathan Schweck, avec les poissons dans les arbres et puis les petites bestioles noires qui. J'aime bien Ragoup chez les Français de Inès Bernard Espina, avec une double narration, avec le lion qu'on n'arrive pas à mettre dans le trou parce qu'on ne trouvait pas assez grand, et puis cette femme qui essaie de trier les graminées dans un graphisme totalement différent. Donc je trouve qu'il y avait une belle chose. Le Marre du théâtre, plus film étudiant évidemment de David, mais intéressant. Et pour finir, un documentaire animé, je ne peux pas partir sans au moins citer un documentaire animé. Et ce que j'aime beaucoup ça, c'est Tuff de Jennifer Zhang pour le Royaume-Uni, et qui interviewe sa grand-mère qui a connu donc la révolution culturelle. Et graphiquement, c'est magnifique aussi, avec un rouge excellent. Voilà. I just want to ask you for the first question, because I never heard you talk about that. So, je vais le faire en anglais, et en anglais, et puis je vais le traduire en français très peu. Je pense qu'une grande partie d'entre vous comprenez l'anglais. Why did you choose animation at one point? When I was a kid? When? After that, when did you decide, okay, I'm going to write about animation, I'm going to, you know, do that kind of thing? Yeah, I was into animation from when I was a young child. I remember there were a few books that came out. One of them was Chuck Jones's autobiography. And when I read that, it wasn't the cartoons, it was the atmosphere of the studio that really engaged me and made me think this is a really fun field to be in. So my initial enthusiasm about animation was about the studios working inside of them, not necessarily the cartoons themselves. Donc je me demandais pourquoi l'animation, comment il était venu l'animation. Mais non, est-ce que plus jeune, je dis non. À partir de quand il a décidé d'écrire, enfin voilà, sur l'animation, il me disait que, en fait, la véritable envie était quand il a commencé à regarder, à lire, et notamment un livre de Chuck Jones, l'autobiographie de Chuck Jones, et qu'il a vu ça. Et en fait, ce qui l'intéressait plus, c'est pas les dessins animés forcément en eux-mêmes, mais plus les studios, c'est-à-dire l'ambiance des studios et comment on est dans les studios, et c'est ça qui l'a vraiment passionné. So, the cartoons, that was the basis that was, because Cartoon Brew is interesting because now you look at a whole bunch of things, and even that's why I want to be here this morning. It's you are a bridge to a lot of European short film, and you do a lot of things like that. Yeah, my interest grew as I learned more about animation, and then it became more about discovering things. I get bored really easily. So I'm always interested in learning about new things. The initial interest was, you know, the old Looney Tunes and MGM and Disney, the Hollywood theatrical work. But after a while, you know, you get bored and you start looking beyond. So today, you know, my interest is discovering a new artist for me is the most exciting thing. And that's constantly, you know, you can't just discover American artists. You have to discover artists from all over the world, all different kinds of techniques, everything. And that's what's interesting to me. Je vais demander, parce que c'est pour ceux d'entre vous qui connaissent, Cartoon Brew est un site qui est intéressant, parce que partant peut-être des Looney Tunes, des choses un peu plus américaines, et aujourd'hui, c'est un véritable pont entre ce qui se passe en Europe et pour le passé aux États-Unis, donc c'est assez fascinant comme travail. Et vous oui, de toute façon, ils se sentaient un petit peu ennuyés au bout d'un moment donné, c'est-à-dire qu'au départ, vous partez sur une forme, qui est celle des Looney Tunes, par exemple, et des cartoons américains, et l'idée est de découvrir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait à l'étranger, découvrir en fait des nouvelles formes. Parce que c'est ça qui est intéressant, s'ennuyer est terrible, et donc faut créer ces nouvelles formes. The being a good writer is the same as being a good artist, right? It's the one key element that makes you a good writer is curiosity. You have to be interested in things, and it's the same for being a good artist. You know, you have to constantly be exploring, learning, and growing. So curiosity helps you if you're in the creative world. Donc être un bon écrivain, voilà, savoir écrire, c'est pareil qu'être un bon artiste. En fait, faut être curieux. C'est vraiment la curiosité qui est la chose la plus importante. C'est vraiment le pan en fait entre les deux activités. Si vous êtes curieux, en fait, c'est ça qui va vous aider. Why Cartoon Brew at one point? Why did you decide to build a site, website? Sorry to talk about animation. Just for fun. Really? Well, yeah. Donc juste pour s'amuser. I was working in animation, and then I started writing about animation more. I started doing books, but before that, as I was working in animation, I published a magazine, and so it was just a natural way. You know, magazines were hard to publish, so the internet was a good replacement for the magazine. Donc voilà, donc en fait, il disait d'abord pour le plaisir, hein, et ensuite, avant de créer le site, il avait un magazine qui parlait animation, et évidemment, à un moment donné, le site internet était un bon remplacement par rapport au papier, bien évidemment. What's impressed me with Cartoon Brew is there is at one point you were a lot of, you know, news. You were talking a lot about news, and now it's becoming, maybe you won't like the word, but will I say more political? You can, you know, put some really harsh word against the big studios, Pixar, and if you think that what they're doing is not really right. So it's not politics, but it's for the artists, right? I used to work in animation, and the things that we talk about in the studio are sometimes, you know, what are the conditions of the studio? Are things going well or not? And I think there's no real fan animation site that does that because they don't understand what's going on in the studios. But I do. I talk every day to people working in the studios. So you want to represent the stories that artists are talking about, not what fans are talking about, because there's a million other sites that do, you know, news for fans. Right. So it's not political. It's just what artists talk about. Donc je me demandais, parce que je disais, pour moi il y avait un changement, il y avait quelque chose d'étonnant dans Cartoon Brew, c'est qu'il y a eu un moment donné où on est passé d'un site de news, et moi c'est quelque chose qui me, I think it's something that interests me because in my website it's difficult for me to do that what you have achieved. Donc je trouve ça intéressant parce que moi j'ai du mal à le faire, et il me disait qu'en fait ce qui se passait, c'est qu'il y a tellement de sites de fans, on va dire, sur l'animation, ça il y a pas de problème, sauf que lui il a travaillé en studio, il connaît ce qui se passe dans les studios, et ça lui permet en fait de raconter ce qui se passe tous les jours dans les studios, d'avoir les problématiques du studio et de pouvoir finalement I'm trying to, yeah, technical problem. De pouvoir raconter finalement ça plutôt que d'être le énième site de fan. Si je voulais vous montrer, c'est au cas où, je pense qu'une grande partie, I think a lot of people knows, but I want to show, of course. It's terrible, what? Donc Cartoon Brew, of course, the website, you all know. It's so that's it. That's Cartoon Brew. That's something I did really recently. It's interesting. That's not the new set. That's not. No, no. Okay. I got worried for a second. No, it was like 9 of June, I guess, but at the end of that time. Yeah. Just doing. No, I just thought that was the current set. I got scared for a second. What is interesting is you can have really. What I like with that, you have, of course, the last Pixar, but then you have an article about Have a Nice Day, withdrew from the competition in Nancy, and then you will have technical article. So it's really important for you to cover all the things. Yeah. And again, that's curiosity. I get bored if I was focusing on one thing every day. It would get boring. So my mind is, it's, the site is a lot like my mind, you know, it's like, it's all over the place. Ok, donc je disais, hein, ce qui est surprenant, je ne laisserai pas un problème, ce qui est surprenant, j'y arriverai pas, ce qui est surprenant avec le site, c'est, et c'est très agaçant en plus, ce qui est surprenant avec le site, c'est évidemment ce, le fait d'avoir des choses complètement différentes du dernier Pixar, et ça, et il revient à ce qu'il disait, mais je reviens à la curiosité, le fait que c'est très ennuyant, enfin, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie d'aller un peu à droite à gauche. What is interesting is you're not the only one actually writing on Cartoon Brew. No, there's about 5-6 other writers. How did you choose them? How did you choose them? Did they come to you and say, well, I'm interesting, or? Most of them are hand-picked, yeah. Okay. A lot of people apply, but I never hire anybody unless, I personally know their writing style. I've tried hiring writers before, and it never works out. You really have to know someone. What is their writing quality? But almost everyone that works for the site also has worked in animation in some way. So that really helps. For example, I have a legal writer who covers legal issues for the site, but he used to be an animator on South Park. So he understands the animation world from the artist perspective, and he can write about legal issues affecting artists. Donc je lui demandais comment il choisissait, parce que c'est pas le seul à écrire, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs personnes à écrire, qui écrivent, et il dit oui, je lui demandais si on lui envoyait des mails, etc. Il dit jamais, il engage des gens comme ça, il engage uniquement des gens qu'il va connaître, c'est important de connaître la personne et de pouvoir lui parler, et ce qui va être intéressant, c'est par exemple, il a quelqu'un qui travaille sur tout ce qui est, tout ce qui est de droit, tout ce qui est, voilà, les articles sur le droit, notamment des animateurs, et la personne qui écrit est en fait un ancien animateur de South Park, et donc c'est-à-dire qu'il connaît ce qui se passe dans les studios, il peut écrire certes d'un point de vue sur le droit, mais aussi du point de vue de l'artiste et de comprendre finalement la problématique de l'artiste. How do you work today? Because when I see some really tough article on DreamWorks, Pixar and everything, and you still have to leave at one point, and of course there is some advertisement, there is some pressure on you sometimes saying, okay, you don't do that, or we will, you know, have big words on you and it will be terrible for you. No one says don't do it, but it is a tight wire act. And you know that they don't tell you, but they will take their money away suddenly, right? So you know, you have to be careful, but I never let that affect me. That's not part of my thought process. And there's one major studio that refuses to advertise in the last couple of years on Cartoon Brew. And that's because of the content that we've written about their president, who has been, you know, in a big legal scandal. Donc il y a, je disais, ce que je me demandais s'il n'y avait pas une peur à un moment donné d'avoir des gens, bah, qui, faut bien vivre, un site internet, il y a de la publicité, ici il y a des studios hollywoodiens, ça peut être très dur des fois sur Pixar, DreamWorks, et voilà, est-ce qu'il n'a pas peur de ça? Il dit bah, alors je disais, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent ne faites surtout pas ça, parce que sinon ça va pas du tout, enfin on va enlever nos billes et notre argent. Il dit non, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus voilà, sur le fil, hein, on fait ça, on dit juste c'est pas des menaces, mais finalement on sent quand les personnes vont retirer l'argent. Il y a notamment un studio majeur dont le président a été pris dans un scandale au niveau des salaires entre studios, hein, d'un plafond sur les salaires entre animateurs et studios, et eux ont toujours refusé finalement de travailler. Maybe you, I don't know if you're the only independent, I mean big website. Do you think it's really important to have that kind of work? And when I see all the comments on some of the article, I know almost that the answer is yes, because it's so amazing when you put something, I don't know, from Sausage Party, for example, a thing like that, there is really a huge comment from the professional studios and people. Yeah, there's nothing else like it. You know, every news site for animation is independent. There's no big company behind any news site in the animation world, and there's not that many of them. So all of us are independent, and we can do whatever we want, but very few people choose to do what any other site could do what I do. No one does, because it makes it a lot more challenging to establish yourself as a place that speaks the truth, but also works with the companies every day. And you know, we take advertising from them, but yes, we do also write about them in a way that sometimes they're not happy with. And any site could do that, but no one chooses to do that. Everybody's happier to just, you know, publish whatever news they get direct from the company. So. Oui, je lui demandais parce que est-ce que c'est l'un des seuls sites indépendants voilà, aux États-Unis. Il me disait non, enfin, indépendants, quasiment tous les sites sont indépendants parce que personne n'est relié à un éditeur ou à un studio, donc c'est pas vraiment ça. Plein d'autres studios pourraient faire ce qu'il fait, mais il dit personne ne le fait. Et pourtant, c'est évidemment passionnant, mais c'est difficile de parler la vérité, en tout cas de tenter de dire la vérité, de tenter d'aller plutôt vers cette idée de vérité. Et donc personne ne le fait, alors qui pourrait le faire. It's a really tough world for me, from the outside, the Hollywood studios. And every time I talk to, you know, conversation like that, dialogue, I said, I always put Hollywood and the part of America. I don't think for me it's like there is a country, Hollywood, and then the other side. It seems Hollywood is so difficult to manage. I don't know. Yeah, that's why I live in New York. But you talk a lot about Los Angeles and a lot of studio. I go there a lot, yeah. But I live in New York, so it makes life... It's better to have a little bit of perspective. I used to live in L.A., and sometimes... Most Hollywood animation sites, you know, like AWN Animation Magazine, they're in L.A. And for me, L.A. is one part of the animation industry. But if you're covering the global animation industry, it makes sense to have a little bit of perspective and not be right in the middle of, you know, the money part, but to have a perspective on everything. I want to show something at one point, but there is a little problem with the computer. You write a lot on your website, and you did a wonderful book, Cartoon Model, was one of the great book about, you know, UPE and all that, and that you don't miss that, and to make books like that, because I don't think you still have time to do that. No, it's I'm very slow, but I'm doing one biography that comes out next year on Ward Kimball, who was a Disney animator. And that's going to be probably one of the more interesting books that's ever been published about Disney, because I had access to his diaries, the first person that's ever had access to the Ward's diaries from the 30s, 40s, 50s at Disney. So it's going to reveal things that have never been revealed before about working at Disney during the Golden Age. Donc je lui demandais par rapport à... Il a écrit un livre qui est absolument étonnant, qui s'appelle Cartoon Moderne, que je vous conseille absolument, notamment surtout la partie UPA de l'animation qui est absolument fascinante. Je lui demandais si ça ne lui manquait pas un petit peu d'écrire là-dessus, et il me disait que c'est l'un des spécialistes de Walt Disney, grand animateur de chez Disney, et il va publier un livre bientôt, l'année prochaine, et il a eu accès aux journaux, à la première personne, de Walt Disney, et donc on va apprendre des choses qu'on ne savait pas et qu'on n'a jamais su sur cette époque et comment travailler à Disney, chez Disney. About Disney, one question, because I have you. When I look at all the old 50s, 60s film from Disney, there is some incredible stuff. There is one movie about Mars, you know, the planet. I guess it was made by Walt Kimball. Really crazy 30 minutes with a lot of special effects, like 2001 effects, but 10 years before 2001. It seems there was a lot of freedom. Maybe not working there, but in the, you know, ability to do, well, different stuff. There was a lot of freedom for Ward, the person that I'm writing the book about. And he was considered, he was given, Walt wanted somebody at the studio that could just do whatever they wanted to do. And that person was Ward, and he took advantage of that. Most of the other artists were very bored after 20, 30 years of doing the same thing. But Ward moved from animation to becoming a director and producer, and basically Walt said, do whatever you want. Donc je me demandais, parce que quand on regarde en effet le cinéma de Walt Kimball, il y a quelque chose d'assez étonnant, d'une grande liberté encore aujourd'hui. Je lui demandais par rapport à Disney, voilà, pas ce qu'il en était, mais j'étais surpris. Il disait, en fait, la plupart des gens qui travaillaient là-bas au bout de 20-30 ans étaient très ennuyés quand même par leur travail et passaient à réalisateur. Enfin, il y avait quelque chose de très, très systématique, on va dire. Et Walt Kimball, Walt Disney voulait absolument qu'il y ait une personne, qu'il entendait d'avoir une personne qui puisse faire tout ce qu'elle voulait et qui évidemment était séparée du reste de l'équipe, en tout cas voilà, dans la création. Et ça, c'était vraiment assez important pour... pour Disney, mais tous les autres étaient un petit peu ennuyés. Ward, when he was an animator, he did Jiminy Cricket in Pinocchio and the Matt Tea Party in Alice in Wonderland. So he was an animator. But when he became a director at Disney in the 50s, when he started doing that weird stuff, there's a story he told where Walt Disney gave him a blank sheet of paper, and it was basically saying, do whatever you want. And he said he was really surprised, but he didn't question it. He just started doing whatever he wanted to do as a director. Donc Archibald est un animateur, Jimmy Cricket dans Pinocchio, la fameuse séquence de non-anniversaire, vous savez, la Mad Tea Party dans Alice au Pays des Merveilles, ce genre de choses. Donc c'était vraiment, voilà, c'était un animateur. Et quand il a commencé à devenir réalisateur et à faire ces choses absolument étonnantes dans les années 50, en fait Walt Disney est arrivé, lui a donné une feuille de papier blanc, et en gros pour lui dire, bon ben voilà, maintenant tu fais absolument ce que tu veux. Et Archibald l'a pris, elle n'a pas du tout questionné, a commencé à faire un petit peu ce qu'il voulait. Et voilà, ainsi se termine ce Bulle de rêve, les coulisses de l'animation. C'était un spécial depuis le Festival d'Annecy. Enfin, pas en direct, mais la table ronde a eu lieu ce matin. Et l'enregistrement nous est arrivé dans le courant de l'après-midi. On félicite et on remercie Alexis. Et